Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes. Ouais. Je la fais, on la fait, mais je suis maladie pour eux. Ouais. Ils vont me couper la queue, et il va en repousser eux. Ouais. Je la recette, les clients de coque sortent de la tête. Je la maîtrise, je nique tous ces putes applaudis des fesses. Imposteur, parapouquette au poignet, ta R. Deux jours après, t'as la haute de marre. À 200 E, y'a pas me la faire. Tu me dois un billet, viens jusqu'à ton palier. Canon scié dans l'escalier. Mes impôts disent dans deux salaires de flic. Tu me joues les six, t'as même pas un stick. Personne t'écoute, t'as même pas de fuite. Tu me fais l'influent, t'as même pas d'invite. Je peux tourner en ville sans main sécu. Hein? J'ai vendu les stupes, j'ai pas fait d'études. C'est PD mon lit et mes nids et day. J'vais poser deux tapins au B&B. Puto, ici, ça se fait lever par la BRB. Ouais. Tu connais la team, plata capiche. Ouais. Tu fais ce qu'on t'a dit, si tu veux pas virer. Ouais. Tu connais la team, hachiche, bakchiche. Ouais. J'ai vidé la quille, plus rien à cirer. Ouais. J'te paye des nouvelles fesses, j'me paye une nouvelle caisse. J'te trois nouvelles tasses, deux trois nouvelles gaz. J'te paye des nouvelles fesses, je me paye une nouvelle caisse. J'ai deux trois nouvelles tasses, deux trois nouvelles gaz. J'ai un flingue, je fais pas du chat. Je suis au carré sans bracelet. T'es outillé, mais t'es pas méga. Toute l'année, faire du papier. Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes. Ouais. Je la fais, on la fait, mais je suis maladie pour eux. Ouais. Ils vont me couper la queue, et il va en repousser eux. Ouais. Je pars au maximum, je vais la toucher à 10 Américo, langage parabellum. Je suis posé sur le rooftop, avec le ciel, les oiseaux et ta parole. Où c'est qu'il y a la pire, whisky doublé sans glaçon, de 10 dans les viages. On t'attrape sur, on t'attache, on fout direct en demi-ration. Viens dans les pages, on travaille le jour et la nuit. Tu penses encore à te lever tôt. Une rixe, un stylo dans l'oreille, et t'entends plus en stéréo. Je suis seul sans père et sans tuteur, bélier dans le distributeur. 38 ni MMA ni lutte, je fais trop de bif à la minute. Oh, j'ai un flingue, je fais pas du château. Je suis au carré sans bracelet, oh. T'es outillé, mais t'es pas méga, no. Toute l'année, faire du papier, oh. Je te paye des nouvelles fesses, je me paye une nouvelle caisse. J'ai deux trois nouvelles tasses, deux trois nouvelles gaz. Je te paye des nouvelles fesses, je me paye une nouvelle caisse. J'ai deux trois nouvelles tasses, deux trois nouvelles gaz. Oh. J'ai un flingue, je fais pas du château. Je suis au carré sans bracelet, oh. T'es outillé, mais t'es pas méga, no. Toute l'année, faire du papier, oh.